Il y a tant d'amour dans ma tête, de bons sentiments à ton endroit. Tu es bien celle que je guette, sois-en certaine, n'en doute pas. Désormais je n'aurai de cesse, que je n'existe que pour et par toi. Mais qu'attends-tu, que ne te presses-tu pas de venir me délivrer de moi? Il y a tant de peur dans ma tête, je me dérobe à chacun de mes pas. Je n'ose faire le moindre geste dans un monde dont je ne veux pas. Tu le vois bien, jamais je ne cesse de faire comme si tu étais déjà là. Mais qu'attends-tu, que ne te presses-tu pas de venir me délivrer de moi? Il y a tant de vide dans ma tête, tant d'ennuis à n'attendre que toi. Un trou noir béant qui projette en boucle des images de toi. Je le sais bien, oh tu n'as de cesse, que tu embrasses ceux qui ne te souhaitent pas. Mais qu'attends-tu, que ne te presses-tu pas de venir me délivrer de moi? Il y a tant d'amour dans ma tête, de bons sentiments à ton endroit. Tu es bien celle que je guette, je suis serein, je n'en doute pas. Désormais je n'aurai de cesse que je me blottisse dans tes bras. Mais qu'attends-tu, que ne te presses-tu pas de venir me délivrer de moi? Mais qu'attends-tu, que ne te presses-tu pas de venir me délivrer de moi?